nous aveugle et nous fait chuter. Débutant dans la vie, donc parfois des actes pas très futés. Les armes sont affûtées, on serait prêt à se blesser. Ou alors on est loin de ça, mais un accident amène vite au décès. Leur regard baissé parce qu'on sait ce qui nous attend. Un choix éternel, en gros la raison contre la main de Satan. Pour maintenant, rares sont ceux qui s'en sont sortis à temps. Tombés dans le gouffre, jusqu'au flingue sur la tempe. Vent de poussière qui pique les yeux et fait pleurer. Écœuré, tout et rien, mais par la vie peut-être un peu apeuré. Un aller simple et au fond j'ai peur de l'arrivée. J'en ai rêvé, sur la mort j'garde mes yeux bien rivés. J'en vois se détruire, et au fond je me demande si c'est pas le plus posé de tous qui met les autres à l'amende. Un vent de poussière qui balayera nos vies, nos dirait nos vices, qui nettoiera notre monde de haine pour nos filles et nos fils. Vent de poussière qui nous empêche d'ouvrir les yeux, de voir le vrai, qui fait que certains de nous se croient dans un jeu, attendre un mieux de tout. J'avoue, j'y ai cru plus jeune, mais j'ai eu le temps de grandir et comprendre, et maintenant j'en ris jaune. Un vent de poussière ou bien la prochaine tempête, les souvenirs en tête pour faire face à ce que la vie nous sert. J'ai jamais eu la prétention de quoi que ce soit. Je vois la raison comme un luxe alors que pour d'autres elle n'est qu'accessoire. Les éléments nous verront mourir, pourtant en train de courir. On croit être celui auquel la vie voudra sourire. Entre deux ou trois soupirs, ça nous désespère. Pourquoi s'ouvrir si c'est pour souffrir? Et le contraire on espère si ce monde est pire. Pourquoi se donner pour tour à tour? Mal et bien se mélange à ce que l'on respire. Le vent se lève et balaye la poussière qui ferme nos yeux et nous empêche de croire qu'il n'y a pas de quoi être fier. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière. Un vent de poussière qui nous emporte loin des vérités de ce monde. Des hommes déshérités de l'amour, des âmes dont le mérité. L'égal du mal qui vagabonde, où la charité se développe dès que des vagabondes. Un vent de poussière qui masque et voile nos vies, hélas, qui pique les yeux, hélas. Les dieux qui laissent nos voeux se noyer dans la détresse. Les cieux s'ouvrent, nettoie cette terre qui souffre. Sans le vent qui souffle, les voies tomber les forteresses. Un vent de poussière qui blesse et qui s'imprègne dans la rétine. Qui se renforce avec nos faiblesses. Qui nous rend fous, nous renferme, nous rend infirmes. Nous donne du fil à retordre et dans la merde on patine. Un vent de poussière. Un vent de poussière et parfois une tempête. Dans un désert de l'âme qui trouble nos espoirs et les transforme en miettes. Parce qu'on ne perçoit pas les choses comme elles devraient l'être. L'esprit est clos et ce sont des guerres que l'on voit apparaître. Un vent de poussière, un vent de folie qui assombrit le monde. Qui nous éclaire sur notre futur sur lequel il fait de l'ombre. Onde de choc terrestre dont l'épicentre est le cœur des hommes. Y'aura pas de réplique, cette fois-ci c'est plombé comme l'ozone. Un vent de poussière comblé par nos erreurs et qui nous revient en pleine face démesurée d'horreur. Jouant les pleurs, les cris sifflant dans nos oreilles. Brisant le silence, se glissant jusque dans notre sommeil. Un vent de poussière, le fossoyeur des âmes errantes. Un petit blizzard qui se faufile parmi le mal, là où le bien jamais n'entre. Une fantaisie pour la plupart, mais tellement réelle qu'elle se disperse et forme des barrières entre terre et ciel. Un vent de poussière qui affaiblit notre vue, qui me pousse à poser sur ses notes tristes et mettre mon esprit à nu. L'homme est une bactérie pour l'homme et annule tout ce qu'il entreprend de positif. Donc un vent de poussière. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière. L'orage dans nos têtes, la pluie dans nos cœurs. Un vent de poussière qui nous freine et fait grandir nos rancœurs. La tempête dans nos âmes, le tonnerre de nos peurs. La violence et la douceur de ce vent de poussière. Vent de poussière.